Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien. Et comme promis cette semaine, je vais vous parler de Skyrim. Donc Skyrim, c'est un grand jeu édité par Bethesda en 2011. C'est d'ailleurs un de mes jeux préférés, Skyrim. Hein, sûrement d'ailleurs le jeu où j'ai passé le plus d'heures dessus. J'ai dû passer vraiment beaucoup d'heures sur ce jeu. Donc Skyrim, déjà pour commencer, c'est le cinquième volet d'une saga. La saga The Elder Scrolls, saga très très connue. Hein. Donc là, Skyrim, c'est le volet 5. Et pour ceux qui ne savent pas, le nom Skyrim, en fait, ça vient... Pour ceux qui ne savent pas d'où vient ce nom de Skyrim, en fait, si vous voulez, le volet 4 s'appelait Morrowind, s'appelait Oblivion, et le volet 3, Morrowind. Et bien en fait, c'est une référence à l'endroit, si vous voulez. Je m'explique, nous sommes dans le continent de Tamriel, d'accord, c'est un continent immense. Mais le continent immense, donc en un jeu, il ne pourrait pas représenter les 4 continents. Donc, dans chaque jeu, ils font des parties de Tamriel, voilà. Et donc, dans The Elder Scrolls 5, ils nous parlent de la région de Skyrim. Enfin, on joue dans la région de Skyrim. Donc, forcément, ça s'appelle Skyrim. Ou Bord de Ciel ou Le Vieux Royaume, c'est un peu les trois noms qu'il a. Mais on appelle plus communément Bord de Ciel quand même. Le style de jeu de Skyrim, c'est une sorte, si vous voulez, d'action RPG sur un bon gros fond d'open world. Donc je vous préviens que le jeu est de 2011 de base. Donc, et pour un jeu de 2011, les graphismes sont super beaux. Et le jeu est vraiment immense. La map d'open world est vraiment grande. Et la mode des open world, donc le principe d'un open world, c'est d'avoir un monde, toute la carte en entière, disponible tout de suite. On peut aller où on veut sur la carte, vous voyez. On fait la quête principale ou pas. Et la mode, ça date un petit peu de cette année, 2018, si je dis pas de bêtises. Donc eux, ils étaient un peu visionnaires avec Skyrim, on va dire. Et pour un jeu de 2011, les graphismes sont très beaux, et encore plus sur PC, avec la version remastered de 2016, et avec les mods. Et là, je vais vous parler d'un truc très intéressant, qui est le jeu en lui-même. Donc, le jeu, en gros, il débute, c'est une cinématique, vous êtes dans une charrette, d'accord, les deux mains attachées dans le dos, avec 6 personnes. Et vous partez pour vous faire décapiter par l'Empire. En gros, une sorte de bande de Romains, si vous voulez, qui viennent envahir... Skyrim. Donc là, vous descendez de la charrette. Une femme vous dit que vous n'êtes pas sur la liste. Donc au moment là, vous choisissez votre nom, votre race. Donc nordique, argonien, katcha. Enfin, il y a beaucoup de races. Il y a 7, 8, 9 races. Vous choisissez les formes du visage, les machins, enfin, tout le visage, quoi, si vous voulez. Enfin, vous connaissez le niveau de personnalisation. Niveau de personnalisation assez poussé d'ailleurs sur ce jeu. Et là après, vous allez vous faire décapiter. Donc vous posez votre tête sur le sol. Vous entendez un petit bruit. Bon. Le bourreau lève sa hache. Et là il y a un big dragon qui arrive, qui se pose sur la tour derrière vous, et puis qui tue le boucher. Ah, évidemment, on s'attendait pas à un tel retournement de situation, hein. Quand même, ça aurait été drôle si le héros mourait de la première cinématique. Et là, le jeu est lancé. Donc là, après, vous vous échappez du donjon, hein, et vous faites la quête principale. Ou non. Mais elle se met en place. Donc vous pourrez la suivre, vous savez, vous connaissez, quoi. Vous ouvrez un petit onglet, puis vous avez toutes vos quêtes, votre quête principale et tout. Et si vous n'avez pas envie de faire la quête principale, qui est d'ailleurs assez longue, ce qui peut se comprendre, vous n'êtes pas obligé, vous avez beaucoup d'autres choses à faire dans Skyrim, parce que ce jeu est immense, comme je vous l'ai dit. Je vais être à 150 heures, 160 heures, et... Je suis sur PC et j'ai toujours pas fini le jeu. Bon, maintenant j'ai rajouté des mods et tout. Je vous parlerai de tout ça plus tard. Bon. Imaginons que vous ne vouliez pas faire la quête principale. Bah, vous pouvez déjà juste vous balader pour découvrir tous les donjons, toutes les villes. À savoir, elles sont au nombre de... Entre 5 et 8. des bonnes grosses villes, à savoir tous les donjons, les camps de cyclopes, les camps de géants, vous battre et compagnie. Pour monter de niveau comme ça. Ou vous pouvez faire déjà... toutes les guildes, donc il y a la guilde noire, guilde des assassins, où vous allez être chargé de tuer certaines cibles, plus des histoires, comme dans chaque guilde, hein, vous avez les petites quêtes redondantes, à savoir juste tuer des petites cibles, vous avez une petite récompense, et la vraie quête de la guilde, Il y a la guilde des voleurs, où vous voler des trucs, hein. Il y a la guilde des bardes, l'école de magie, où vous pouvez devenir archimage, en gros best magicien. Vous pouvez aussi faire la guerre et choisir votre camp entre les nordiques, donc les personnes habitant à Skyrim, à bord de ciel, ou l'Empire, donc les Romains qui ramènent leurs fesses et qui veulent conquérir un petit peu bord de ciel. Vous pouvez... Ah oui, vous pouvez rejoindre la guilde des compagnons aussi, ou à la fin, vous allez... en gros, les compagnons, c'est des sortes de mercenaires, si vous voulez. À la fin, vous allez rentrer dans le cercle des 8, donc les 8 plus puissants. Vous serez bien évidemment le plus puissant. Et vous allez... La récompense, ce sera que vous pouvez vous transformer en loup-garou la nuit. Donc, somme toute, plutôt intéressant. Hein, quand on est une bande d'ennemis, en loup-garou, on est bien, bien fort. Ah oui, et aussi en dernier, parce que c'est quand même drôle, vous allez aussi pouvoir choisir entre le camp des vampires et le camp des chasseurs de vampires. Donc, et le truc cool, c'est que les chasseurs, ils peuvent chasser avec des arbalètes. C'est trop bien, ça. Et vous pourrez aussi vous transformer en vampire, si jamais vous rejoignez les vampires. Mais vous pouvez pas faire loup-garou et vampire. Si vous prenez vampire, loup-garou partira. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de guildes. Et évidemment, à chaque fois, vous allez pouvoir devenir le chef. Hein. Guilde noire, vous êtes le chef à la fin. Guilde des voleurs, vous êtes le chef. Guilde des bardes, je l'ai pas fini, je sais pas. Guilde magicien, vous allez devenir archimage. La guerre entre les nordiques et les envahisseurs, on va dire. Vous allez juste devenir le combattant numéro 2, en dessous d'Ulfric, la personne qui a déclenché la guerre. Et les vampires et les chasseurs de vampires, j'ai pas fini non plus la guilde, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense que l'un ou l'autre, vous finissez très bien placé. Je crois d'ailleurs chez les vampires, on dit même le chef, vu que je crois que, j'ai pris vampire moi, je crois que j'ai tué le chef et je suis devenu pote avec sa fille, enfin il y a un truc, mais voilà, bref, je vais pas trop vous spoiler, désolé, mais je dirais un sur la quête principale, c'est ça le principal. Et là, je vous parle même pas des deux DLC qui arrivent. Donc, un DLC qui rajoute une maison, des maisons achetées et tout. Et un autre DLC avec carrément une île à côté. Et tout un pan de l'histoire en plus. Donc, de quoi rajouter encore 10, 15 heures, vous voyez, 20 heures. Hein, toute l'île à faire, les donjons et tout. Et là, je vous parle même pas encore de tous les bugs exploités. Hein, passer en dessous de la map pour récupérer les coffres cachés, dupliquer des objets. Passer d'un bout à l'autre de la map, c'est trop marrant. Traverser les montagnes en cheval parce que les montagnes sont complètement buggées. Enfin, skip tous les donjons, arriver directement à la fin pour avoir direct la récompense. Il faut quand même savoir que Skyrim est grand, évidemment, mais il est complètement buggé du coup. Mais tous les bugs sont assez cool. Tous les bugs vraiment embêtants ont été patchés dès le début, corrigés. Les bugs les moins embêtants et les plus cool, on va dire, ont été laissés. Et pour ceux qui se demandent pour les montagnes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réparé, parce que ça peut être un peu embêtant, c'est qu'en fait, il faudrait retexturer toute la map. Donc, elle est assez immense. Si quelqu'un veut le faire, je voulais vous amuser, vous en avez pour des centaines d'heures, parce que la map est immense. Donc voilà, tout vite la petite explication. Et pour les mods, dont je voulais vous parler aussi, c'est pour les PCistes, ça, on va appeler ça comme ça. C'est que quand vous avez fini le jeu ou que vous en avez marre, vous pouvez installer des mods, comme sur Minecraft. Donc on passe des mods qui améliorent les graphismes et qui enlèvent certains bugs, aux mods qui rajoutent des matériaux, des armes à feu, parce qu'il n'y a pas d'armes à feu, il faut savoir que de base ça se passe à peu près dans notre timeline, notre époque si vous voulez, à nous. Ce serait au Moyen-Âge, hein. Il y a des charrettes, il y a pas des épées et tout, on se bat à l'épée. Bref, on peut rajouter aussi des monstres, certains rajoutent des monstres, et là, il y a un nouveau mode qui va sortir, que Bethesda, donc les développeurs, sont en train de développer, où on pourra jouer en multijoueur sur Skyrim, à 8. En fait, de base, si vous jouez en multijoueur, il faut acheter The Elder Scrolls Online, donc un autre jeu encore, complètement outline, assez immense aussi, alors que là, on pourra jouer à 8 sur Skyrim, donc vraiment, ça pourra relancer un petit peu des gens pour allumer Skyrim, on va dire, parce que le jeu, depuis 2011, ils ont le temps de le finir, hein. Moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Et enfin, vu que là je vous ai un peu fait une rapide... Enfin, vu que j'ai pu vous donner une idée de l'immensité de ce jeu, de la diversité de ce jeu, parce qu'il y a vraiment une diversité assez immense, même quand on monte tout au maximum, même au niveau des petits animaux, des monstres... Enfin non, pas trop des monstres, parce qu'ils sont... Enfin, si, des monstres aussi. Donc vraiment, le jeu... est super, et vous avez aucune excuse pour ne pas y jouer, car le jeu est sorti sur presque tout. Il est sorti sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et pour les PC qui diraient, et pour les PCistes, j'appelle les joueurs PC comme ça, qui diraient qu'ils n'ont pas des PC assez puissants, franchement, oublie pas qu'il est sorti en 2011. Hein, donc en 2011, les PC n'étaient pas encore forcément terribles. Donc, tout ce qu'il vous faudra, c'est à peu près 6 gigaoctets de place. Je parle sur la version originale, pas sur la version remastered de 2016. Sur la version originale de 2011. Donc 6 gigaoctets de place en gros. Un dual core ou quelque chose d'équivalent. 2 gigaoctets de RAM et un Windows 7. Et pour la carte graphique, elle est tellement vieille que je la connais même pas. Donc vous prenez une petite GTX 500-550, ça passera tout seul. Si vous voulez un truc optimal, oui, vous prenez un... truc optimal, vous prenez un truc deux fois supérieur à tout ça, puis c'est bon. Non, faut pas vraiment un PC puissant pour Skyrim. Il passe sur vraiment beaucoup de PC, c'est ça l'avantage. Et ça m'épate encore, c'est grâce à ça qu'il, même aujourd'hui, en 2019, il réussit à quand même avoir une base, un noyau de joueurs assez solide. Alors que le jeu est sorti en 2011 quand même, il y a quand même encore aujourd'hui une sacrée communauté qui joue encore à Skyrim. Donc c'est ça qui est incroyable avec ce jeu. Et... du coup, vous n'avez aucune excuse pour ne plus jouer, pour ne pas encore... Excusez-moi, vous n'avez aucune excuse pour ne pas jouer à Skyrim. Hein. Et maintenant, bien évidemment, on attend The Elder Scrolls 6, la suite, qui a été vite fait annoncé à l'E3. Donc, si vous voulez, l'E3, c'est le grand salon de jeux vidéo à Los Angeles. Ils ont dit, en gros, ok, vu que tout le monde a super hâte que The Elder Scrolls 6 sorte, parce que déjà le 4 Oblivion et le 3 Morrowind avaient fait un bon gros carton, même moi j'y ai joué, vous voyez, ils ont dit, bon, on va quand même l'annoncer, même s'il sortira qu'en 2021-2022 et qu'on a seulement une image, on passe au-dessus d'une montagne et on voit The Elder Scrolls 6, c'est tout, il n'y a vraiment rien presque. Ils se sont dit, on va quand même faire plaisir aux joueurs. Du coup, on sait qu'il est en préparation, qu'il va sortir dans longtemps, bon... on a hâte quoi, mais bon, faudra attendre aux horizons 2020-2021 quoi. Donc c'est dans longtemps. Bon, d'ici là, il y a encore de quoi s'amuser sur les bugs et les mods de Skyrim. Et d'ici là, moi, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Gamozo. Au revoir.